Des petits pigeons t'es dans un jonc à courir. Ma vie passée, regardez moi au volet. Y'a les posés sont pas la paix à me danser. Moi regardez, y'a mon crépé, y'a moi aller. Moi rencontré, y'a quand t'étais moi compté. Les hommes, mes petits sont accident pas parler. Oui, on va songer, sont d'insister sans parler. Leur a fini manger, on va coucher, on va blaguer. Oui, on va songer, sont d'insister sans parler. Leur a fini manger, on va coucher, on va blaguer. Des petits pigeons t'es dans un jonc à couvert. Ma vie passée, y'a des bruits en volet. Y'a les posés sont pas rapés, y'a me danser. Moi, regardez, y'a moi qui vais, y'a moi aller. Moi, raconter, y'a quand t'étais moi compté. Les hommes, mes petits sont accident, pas parler. Oui, moi, va songer, sont d'insister sans parler. Leur a filmé, je vais coucher, ou à blaguer. Oui, moi, va songer, sont d'insister sans parler. Leur a filmé, je vais coucher, ou à blaguer. Petit pigeon, yo. Un petit pigeon belle. Oui, yo connaît danser. Oui, yo connaît chanter. Oui, yo connaît parler. Oui, yo connaît poser. Oui, yo connaît jouer guitare. Oui, yo connaît contrebasse. Danser, oui, yo connaît chanter, aïe, yo connaît parler, oui, yo connaît causer, aïe, yo connaît battre tambour, aïe, yo veut contre basse, aïe, yo connaît danser, aïe, yo connaît chanter, oui, yo connaît parler, aïe, yo connaît danser, yo danser, yo causer, yo parler, yo danser, yo causer, yo chanter, yo danser, yo causer, yo chanter. Yo danse, yo cosi, yo pale. Yo danse, yo cosi, yo pale.